les mondes d'utopie. Vous êtes sur la radio Gémozo. Nous sommes le 14. Non, nous sommes le 7 février, puisqu'on a changé, on est en direct. Et il est 10h. Bonjour et bienvenue à tous, on est en direct sur Radio Gémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde. Alors on est aujourd'hui en compagnie de Nanou et Camille. Coucou les filles. Coucou. Salut Flo. Donc aujourd'hui, finalement on est en direct, on devait enregistrer cette émission et puis on s'est réveillé ce matin, on s'est rendu compte qu'on avait annoncé qu'on faisait cette émission en direct. Donc les oreilles du monde, aujourd'hui on va vous parler de notre super événement du 23 février et puis Nanou, tu nous parles du déroulement de l'émission ou c'est moi ? Ah non, c'est moi. Donc aujourd'hui on parle du 23 février, on va interviewer les trois artistes qui seront présents à la soirée concert d'hiver. Donc Gueule d'Aminge, Jack Simard et Piquons mon amour pour votre plus grand plaisir. Et ensuite on vous fera écouter quelques morceaux après chaque interview pour vous faire découvrir ces trois artistes. Ensuite je reviendrai sur la programmation 2019. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec Nanou qui va nous présenter le 23 février. C'est parti pour la présentation. Donc ce 23 février aura lieu notre annuel concert d'hiver, avec cette année le thème des chansons populaires et françaises. Donc je trouve que c'est bien tombé, c'est un thème de circonstance avec la conjoncture actuelle. Et comme disait Boris Vian, la chanson populaire est un commentaire permanent à l'existence et à toutes ses formes. Donc je pense que c'est exactement ce qu'on va vivre ce 23 février, avec des thèmes sociétaux abordés de manière sarcastique et rigolote. Et ça, c'est plutôt cool et plutôt sympa, parce que ça rapproche et ça crée la discussion. Là, je vais vous parler de la programmation. Donc, à 20h30, on ouvre les portes avec les Gueules d'Aminche. À 8h, Nanou. À 20h, nous ouvrons les portes. À 20h30, démarre le premier concert, donc avec les Gueules d'Aminche. À 22h, on laissera la place à Jack Simard. Et à 23h30, Piquons mon amour prendront la scène. Ça se passera à la salle des fêtes de Rochesson, quand à partir de 20h, donc le samedi 23 février, et le parking de l'ancienne usine de Rochesson sera mis à disposition par la mairie que nous remercions au passage. Comme d'habitude, nous allons créer une décoration appropriée au thème, qui sera plutôt sympa. En cuisine, nous vous ferons des bonnes tartines et des galettes bretonnes et des galettes sucrées, donc avec des petits légumes de saison, du chic, des œufs, des lardons, tout ce qui est bon. Voilà. Au niveau du bar, on aura deux bières locales et artisanales, la Golaï et la Tumulte, en blonde et rousse. Et en soft, on vous proposera une bière au gingembre, du bissap, fait avec des fleurs d'hibiscus, un jus de pomme maison et un iced tea maison. La vaisselle sera autogérée, donc c'est du do-it-yourself. Fais-le toi-même, parce qu'on est tous capables de laver sa petite assiette. Moi, je le sais. Donc, on essaye et à chaque fois, on y arrive et c'est cool. Et c'est plutôt sympa d'avoir une petite participation de tous. Il y aura, comme d'habitude, un coin canapé et un coin repos. Et on compte sur la bienveillance de toutes et tous pour laisser les places à ceux qui en auront le plus besoin. Voilà, je préférais le préciser parce que, comme d'habitude, ce sera un événement transgénérationnel. Oui. Donc avec des personnes allant de 7 à 80 ans, même moins de 7 ans. Et voilà, c'est plutôt sympa. Et même peut-être plus de 87. Ouais. Et c'est plutôt sympa de laisser la place à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Et les tarifs, donc c'est 12€ en tarif normal et 10€ pour les adhérents. T'es belle et même quand tu faisais celle qui ne me voyait pas moi, comme t'étais belle toi, tous les sans yeux sont malheureux de ne pouvoir voir ça. Vénus en chair en assis si bas, et les sans âme se sont damnés pour toi, pour ton sourire madame, ils ont été jusque là. T'es belle comme un ange et cette lueur étrange qu'il y a dans tes yeux me paraît dangereux. T'es belle, oui mon ange, et cette lueur étrange qui tapisse tes yeux, ses yeux se le feu. belle, ma chère, et ton miroir ne te ment pas. T'es bien la plus belle sur terre, tu es digne d'un roi. N'aie pas d'espoir, évite-toi cette peine, car jamais tu ne seras reine, la reine d'un autre que moi. Ma belle, rebelle, tu ne dis jamais je t'aime, et quand tu seras mienne, je me contenterai de ta haine. T'es belle comme un ange, ce regard qu'on échange, ce duel des yeux est un jeu dangereux. T'es belle, oui mon ange, et cette lueur étrange qui tapisse nos yeux, ces iris de feu. Ta beauté éphémère, à jamais étincelle, sous cette cloche de verre, tes grands cieux verts, plongés dans le formol, ne jette plus d'éclair, figé comme une idole. Mes grands yeux fous contemplent ton autel, je te parle de nous, t'en souviens-tu ma belle? T'es belle comme un ange, et le feu qui mange les prunelles de mes yeux est plus que dangereux. T'es belle, oui, mon ange, et cette lueur étrange qui tapisse sur mes yeux, ces iris de feu. Bon, petit changement de dernière minute, finalement nous sommes en direct de l'émission Les Oreilles du Monde, proposée par Le Monde d'Utopie, sur Radio Gamozo. Salut Jack, comment vas-tu? Salut Florent, ça va très bien. Donc je vais commencer par une petite présentation que j'ai fait autour de toi, et ensuite je te poserai quelques questions. Donc Jack Simard, c'est 6 albums, Entre en 2008, Ailleurs en 2010, 2 albums en autoproduction, puis Autour en 2011, Mes Vers en peinture en 2013, Du bruit pour rien en 2015 et Sauvage en 2018. 4 albums sortis sur le label Patchwork Production. T'as commencé ta carrière seul derrière ton micro, à l'harmonica, à la guitare, à la voix. De ses talents d'écriture naît un véritable artiste de la chanson. Après avoir écumé les routes, les bars et les salles de concert, il est nommé plus de 10 ans après ses débuts médaille d'or de la chanson française à Seigne-Légier en Suisse. Accompagné sur scène maintenant par 2 musiciens de talent, Yannick Villeneuve au piano et Vincent Sijielski à la batterie. On dit de ce trio que vous nous embarquez dans un univers intense et explosif sur des orchestrations riches, empruntant à toutes les couleurs du jazz. Jack, c'est surtout cette manière caractéristique et inimitable de vivre ses textes sur scène dans un spectacle débordant d'une énergie brute à la fois vive et à la fois à fleur de peau, qui fait l'unanimité partout où il est accueilli. Donc voilà quelques mots pour parler de toi. Est-ce que c'est ça te reflète Est-ce que ça te reflète un peu? Je me vois pas du dehors, mais si ça me reflète, c'est plutôt cool. Bon, bah c'est cool. J'ai quelques questions. En fait, est-ce que tu peux nous parler de la création des albums en autoproduction et la création maintenant sous un label? Quels sont les moyens, la technique? Qu'est-ce qui a changé sur la création de ces albums? En fait, d'abord, je voulais apporter une petite modification. C'est qu'en fait, le troisième et le quatrième album ont été signés sous un label, mais les deux derniers, c'est en autoprod à nouveau. Je suis retourné à quelque chose de plus artisanal, disons. Ok. Voilà. Donc, mais j'avais pas trouvé ces la infos. Différence, c'est qu'on a peut-être moins de moyens, mais que disons, on est plus autonome. Autonome par rapport à quoi? Par rapport à quoi? En fait, ça ressemble plus à de l'artisanat, quoi, du coup. Tu fais avec tes petits moyens, et puis avec tes petits moyens, tu fais ton disque. Donc, t'as moins de moyens à disposition, forcément, de... Et puis, mais après, quand tu vends tes disques, eh ben, c'est pour toi. Enfin, c'est pour ton projet, disons. Ok. Et est-ce que le fait de sortir sur un label, ça permet d'être plus mis en lumière ou pas? Pas spécialement, je dirais. Bon, les professionnels aiment bien savoir que tu es entouré par des structures professionnelles, mais sinon, ça n'apporte pas grand-chose, concrètement. Après, ça dépend. Moi, j'étais dans un petit label qui fait ce qu'il peut et qui a beaucoup d'artistes et qui m'a beaucoup aidé comme il a pu, quoi, mais qui avait surtout pas trop le temps de s'occuper de nous. Ok. Ça marche. Ensuite, quels sont, plus une question générale, quels sont les artistes qui t'influencent et qui t'ont influencé tout au long de ton parcours? Bah, il y en a depuis toujours, depuis tout petit. Tout ce que je découvre de nouveau, forcément, m'influence. Mais c'est pas, voilà, ça peut être de la musique, ça peut être des poètes, ça peut être des films, ça peut être des peintres. Disons, tout ce que je lis et tout ce que je vois, quoi, m'inspire. Ça peut être aussi les gars avec qui je parle au comptoir ou ma mère, quoi. Ça peut être tout. Excellent. Donc, je vais toujours chercher des choses un peu nouvelles. Voilà. Ok. Et toutes ces choses nouvelles, du coup, ça rebondit un peu sur une autre question que j'avais dit. D'où vient toute cette inspiration pour écrire autant d'albums et aussi peu, enfin, aussi rapprocher les uns que les autres? D'où vient ce talent d'écriture? Moi, des talents, je n'en sais rien. Disons que si je pouvais, des albums, j'en sortirais beaucoup plus. Après, c'est juste les moyens qui manquent, mais des chansons, il y en a plein qui passent à la trappe. Je suis un petit peu obligé de choisir au moment où je sors un disque, donc c'est un peu celle du moment que j'aime bien, quoi. Donc il y en a plein qui restent dans les tiroirs. Mais en fait, je crois que c'est juste une passion, en fait. Juste, j'adore faire ça depuis tout petit, donc je passe du temps à faire ça comme d'autres aiment aller faire du tennis ou autre chose. Moi, c'est ma passion d'écrire, donc j'essaye d'en faire le plus possible, parce que c'est mon plaisir. Et qu'est-ce qui t'a donné le goût de la musique alors, de monter sur scène? C'était juste un moyen de chanter mes textes. Je suis pas un grand musicien, mais c'est un bon moyen pour essayer de crier haut et fort mes petites histoires. Et moi, j'ai un souvenir à tes débuts, c'est que tu n'as pas commencé seul et tu faisais partie d'un autre projet. C'est-à-dire, j'étais qu'un violoniste, c'est ça que tu vas dire? Moi, je me souviens plus trop, mais je me souviens t'avoir vu à l'Estam il y a hyper longtemps dans une... Ouais. Au tout début, quoi, avant que tu te lances tout seul. Ça a duré un an. Ok. Ouais, Lambda, ouais, on s'appelait. Ah oui, Lambda. Violon, percussion, guitare, chant. Mais c'était que des compos, que des textes à moi. D'accord. Voilà. Et c'est ce groupe qui t'a donné envie de te lancer seul? Non, parce que j'ai commencé seul avant. Ok. Voilà. Puis j'ai pris plaisir à jouer avec eux. Du coup, on s'est dit, venez, on fait un truc tous les trois. Et puis après, chacun est reparti un peu de son côté, avec les études, les machins. Donc j'ai recontinué tout seul. Voilà. Ok. Bon, moi, je te connais un petit peu, et du coup, je t'ai connu timide sur scène. Et quelle a été la recette pour devenir ce personnage plus théâtral et explosif que tu es aujourd'hui? C'est du lâcher prise. Disons que je me fais plaisir. Je me rends compte de la chance qu'on a de quand on nous donne un petit espace d'expression, le temps d'une heure ou de deux. Donc j'essaie d'exploiter ce petit espace de liberté au maximum, plutôt que de m'enfermer dans ma timidité. Et puis c'est une aisance qui est venue au fil des compliments, disons. Quand tu chantes et puis qu'après on vient te dire bravo, c'était bien, et puis que le soir d'après on te dit la même chose, tu te dis bah c'est vrai que c'est peut-être pas si mal ce que je fais, donc assume. Et puis au pire, si c'est pas terrible, c'est pas trop grave. C'est que de la musique, c'est que du divertissement. C'est rien de dramatique. Est-ce qu'il y a un côté... assumer pleinement le personnage, en fait, c'est surtout ça. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un côté rassurant quand tu montes à trois sur scène plutôt que tout seul? Musicalement, c'est rassurant. Parce que, comme je dis, je suis pas très bon musicien. Et je peux lâcher prise de la musique et je les laisse faire parce que c'est des balèzes. Comme ça, moi, je me repose un peu sur eux et je peux être pleinement dans l'interprétation des textes, quoi. Donc, je n'ai pas à être concentré sur la musique. Et puis, surtout, les arrangements sont beaucoup plus chiadés, beaucoup plus intéressants. Ce n'est pas toujours les mêmes ritournelles. Et où est-ce que tu es allé nous les dégoter, ceux-ci ? Comment ? Où est-ce que tu es allé nous les dégoter, ceux-ci ? Les deux musiciens ? Ouais. Yannick, je l'ai connu en studio pour le 4e album. C'était à l'époque où j'étais produit par Patchwork. Et j'ai demandé à Waya, mon patron, je lui ai dit, j'aimerais des musiciens pour cet album. Est-ce que t'en connais ? Il a tout de suite pensé Yannick. Donc on s'est connu en studio le lundi matin à 8h pour faire un album en une semaine. Donc c'était juste une relation professionnelle au début. C'était juste, j'ai chanté mes chansons et puis lui il a dit on va faire ça, ça, ça, et puis voilà. Et puis après il est parti en tournée avec moi et on est devenus copains. Et on a décidé depuis de refaire des albums ensemble, quoi. Et Yannick a embauché ensuite Vincent pour la scène, qui était un jeune batteur qui tournait dans le sud. Et puis qui nous accompagne depuis, ça fait 5 ans maintenant qu'on est tous les 3, je crois. Eh oui, les années passent vite. Ok, excellent. Bon, moi j'ai choisi deux morceaux qu'on va écouter ensemble, mais tout d'abord je voulais te demander qu'est-ce que ça te fait de venir jouer à Rochesson le 23 février avec Picon Mon Amour et Gueule d'Aminche. Eh ben, on a vraiment hâte, parce que pour plusieurs raisons. Déjà j'aime la démarche, j'aime le projet. En plus, ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas joué, tout l'hiver on n'a pas trop joué, donc on est content de se retrouver. Et puis en plus de ça, je suis content de retrouver l'équipe des Gueules d'Aminche, qui sont des bons copains, et ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et puis on va aussi découvrir Picon Mon Amour, dont j'entends parler depuis quelques temps. Donc plusieurs raisons qui vont faire que ça va être, je pense, une très bonne soirée. Bon, voilà. Un beau Vosgien qu'on te connaît, t'as pas peur de la neige ? Je n'ai pas du tout peur de la neige. Et puis ça apporte même un petit peu de charme s'il y en a. Bon, il y en aura peut-être encore d'ici là, vu qu'aujourd'hui il pleut, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Est-ce que tu as un coup de cœur musical de l'année ? L'année, elle n'a pas démarré depuis longtemps. Cette année ou 2018, comme tu veux. Coup de cœur musical, des nouveaux émergents, tu veux dire ? Oui, un nouveau émergent. Il y a une chanson que j'ai découverte et que j'ai adorée, qui m'a vraiment touché. C'est une chanson de Gavroche qui est en train de bien faire parler de lui, qui s'appelle Le bout de la table. C'est une chanson que j'ai découverte un peu par hasard et qui m'a vraiment chamboulé. J'ai trouvé très bien écrite et très émouvante. Le bout de la table de Gavroche. Eh ben, on va pouvoir l'écouter tout à l'heure. Voilà, super. Alors, moi, j'ai choisi deux morceaux de toi. Violon cassé de l'album Autour. Aïe, aïe, aïe. Et Sauvage de l'album Sauvage. D'accord. Est-ce que tu veux nous parler de ces deux morceaux ? Drôle de sélection, mais tu me fais super plaisir de passer Violon cassé. C'est une chanson que j'ai mis pas mal de temps à écrire. Ça passe un peu inaperçu, mais... Moi, j'adore. J'aime bien l'écriture de cette chanson. Je me suis bien amusé à la faire, disons. J'ai beaucoup joué avec les mots. Et en plus d'avoir joué avec les mots, elle me cause. On se demande un petit peu de quoi je parle, mais je l'aime bien, donc ça me fait plaisir. Je me suis bien amusé, comme je dis. Et Sauvage, ça me fait plaisir pour ce qui est du texte également, parce que c'est un texte qui me tient beaucoup à cœur, qui est très représentatif de mon état d'esprit de ces deux dernières années, disons. C'est un bon résumé de moi et de ma vision de l'être humain dans le monde. Mon Flo a fait bonne pioche alors. Ouais, j'ai fait bonne sélection. très bonne pioche dans deux styles complètement différents. Parfait, et bah écoute Jack, on va écouter tout ça, on a hâte de te retrouver le 23 février. Merci pour cette petite interview, c'est toujours sympa d'avoir des artistes en direct de notre émission. Et voilà, si t'as un petit dernier mot à dire ou... Eh bien, comme je disais que j'avais vraiment hâte de tous vous retrouver le 23 février, je pense que ça va être une bien bonne soirée. En tous les cas, mes musiciens et moi, on a vraiment hâte. Oui, le plaisir est partagé. Je pense que oui, on va bien s'amuser. Voilà, super. Ok, Bah, passe une belle journée, puis on écoute tes morceaux en direct. Bah, bonne émission à vous. À merci. À bientôt. Salut. Salut, salut. Donc on écoute le violon cassé de Jack Simard. Ainsi je suis coincé, enfoncé, relâché. Je cherche à penser sans ressasser, angoisser. Comment faire avancer nos routines bercées et comment redresser nos amours affaissés. Comment puis-je effacer tous ces actes passés et comment ramasser un c'est les pots cassés. Comment me surpasser, t'offrir une odyssée, exaucer l'insensé sans dépasser la scène. Autant que l'âme s'est roupissée dans un violon cassé. Autant que l'âme s'est roupissée dans un violon cassé. Je voudrais inverser ces tendances tassées, nous pousser et percer ces abcès encrassés. Je voudrais traverser cet ignoble fossé creusé par le passé dans lequel on a glissé. Comment puis-je me placer sans t'embarrasser? Comment te devancer quand je suis distancé? Je voudrais te hisser sans jamais te forcer. Je voudrais te mousser sans t'éclabousser. Autant que l'âme s'est roupissée dans un violon cassé. Autant que l'âme s'est roupissée dans un violon cassé. Comment me prononcer sans risquer de blesser, sans jamais te vexer et me faire chasser? Comment puis-je t'enlacer sans me faire repousser? Comment me prononcer sans jamais t'offenser? Comment puis-je nuancer ton clair et mon foncé, te combler d'une pincée sans te carencer? Comment t'intéresser, te dire ce que l'on sait et sur quel pied danser quand tu m'envoies? Sur quel pied danser quand tu m'en vas valser? Autant que l'âme s'est roupissée dans un violon cassé. Autant que l'âme s'est roupissée dans un violon cassé. Autant que l'âme s'est roupissée dans un violon cassé. C'était Violon cassé de Jack Simard. On est en direct de Radio Gamozo dans l'émission Les Oreilles du Monde proposée par Les Mondes de l'Utopie. Après une courte interview de Jack, nous venons d'écouter un premier morceau et on écoute un deuxième morceau, Sauvage, de l'album Sauvage sorti en 2018. Et ton figuré dans tes propriétés privées, Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Dehors du commun, hein, l'a envahi sous couvert, au travers du paravent. Derrière l'écran, dans des écrans, sont les cadrans, les carcans, rond les rangs de tes arcanes. Allez, lâche-moi les chiens! Un pédique, quelle exception exotique, quel animal sommeille dans ton plus simple appareil, quel mystère sous les manières, quel secret sous les traits, quel regard sous ton dégât, sous tes allures de fausses factures, là sous tes tifs et tes tatouages, là sous les doubles vitrages, fais sauter les camisoles. Fais voir ton côté rock'n'roll. Vas-y, soulève un peu le voile et dépouille ton naturel. Allez, fous-toi à poil, bordel. Planque sous le corps, au revers des médailles, au plus profond de tes failles, montre-moi l'envers du décor. Dis tu pars sous tes profils, sous tes styles et sous tes marques. Je veux voir le pile de la face, le repli sous la glace. Fais voir un peu ton vrai visage, sans les habiles habillages, qui tu tapis dans tes chars. De quoi t'as l'air à découvert quand tu laisses vivre en plein tes plus profonds instincts, quand tu te délivres de toi dans tous tes états. Jamais vraiment à l'intérieur des gens, sous la lumière artificielle de nos fenêtres virtuelles, là dans le off de l'officiel et dans nos coffres confidentiels, public ou incognito, recto, verso, il y a un héros en chaque homme parfaitement particulier, tous autant que nous sommes. Pluriel et si singulier, nous sommes tous extraordinaires, chacun avec nos mille talents, 10 milliards d'exceptions sur Terre, et des putains de grands enfants, bordel. Oh, sauvage, sauvage, après Violon cassé, Sauvage de Jack Simard. Donc voilà, on a pu écouter deux titres de Jack que vous découvrirez le 23 février à Rochesson. On est super content d'accueillir Jack le 23 février et on est hyper content d'avoir écouté deux morceaux hyper contrastés de ses différents albums. On va écouter maintenant son coup de cœur de l'année, Govrach, le bout de table. Le début de la vidéo, en fait, il s'installe, le monsieur. Je me souviens du bout de la table comme d'un fragment d'éternité. C'est Noël, j'ai 4 ans, je suis le plus jeune de la famille. À l'autre bout, en face de moi, mon arrière-grand-mère est figée. Elle n'entend plus que des yeux et semble sourire sans béquille. Entre elle et moi, il y a les grands, qu'elle continue d'appeler les jeunes. Ils parlent vite, ils parlent fort, je ne comprends pas tout ce qu'ils se disent. Tonton Daniel a l'air d'être drôle, il fait des blagues quand on déjeune. Vous devriez voir comme il est fier quand sa femme rit à ses bêtises. Et à ma mère, un peu plus loin, qui parfois jette un œil sur moi, elle trouve toujours une bonne excuse pour venir jusqu'au bout de la table. Une viande un peu dure à couper, un pichet d'eau trop lourd pour moi. À cette époque, j'étais un roi, assis sur un trône éjectable. La table n'est pas très loin, mais il s'éloigne. L'arrière-grand-mère me manque un peu, et mon grand-père a pris sa place. Ses mains voyagent, elles papillonnent, prennent des détours quand elles se joignent. Personne ne semble s'en rendre compte, à part peut-être le temps qui passe. Maintenant que je comprends ses blagues, tonton Daniel me fait marrer. Et je crois qu'il n'est vraiment heureux que quand sa femme rit à pleines dents. Ça se fend la gueule, ça boit des coups, tout le monde trinque à la légèreté. Et pendant ce temps, le bout de la table s'efface derrière un tremblement. J'ai 35 ans, mon fils a pris la place du roi. En face de lui, je vois sa grand-mère faire de ma mère une vieille dame. Mais c'est la vie, comme dit Daniel, il faut garder le sens de la joie. Pourtant parfois, l'humour d'un homme ne dure que le temps d'un rire de femme. J'ai 60 ans et l'intention de profiter de chaque image. Mon petit-fils au bout de la table qui galère avec son steak. Ma mère qui livre un combat contre un pichet trop lourd pour son âge. Il y a le bout de la table qui m'attend, mais j'ai plus peur de me battre avec. Je me souvenais bien de cette place comme d'un fragment d'éternité. Je suis le plus vieux, mais qu'importe l'âge, je suis bien, c'est Noël. À l'autre bout, en face de moi, un petit garçon semble très intrigué par mes mains qui voyagent malgré elles. Entre nous deux, il y a les jeunes qui parlent fort, qui parlent entre eux. Il y a un petit neveu qui a l'air d'être drôle, il fait marrer toute la famille. Ce brouhaha d'éclats de rire que je n'entends plus qu'avec les yeux. Je vais continuer d'en profiter et je vais sourire sans béquille. Ça fait 10 ans que je m'assois ici et je m'y sens bien à chaque Noël. Je crois bien que j'ai passé toute ma vie à jouer aux chaises infidèles. J'ai mis une vie pour m'asseoir là et prendre conscience du temps qui passe. Il faut une vie pour s'asseoir là et accepter de céder la place. Et voilà, c'était un morceau de Govrach, Le bout de la table, proposé par Jack Simard. C'était son coup de cœur de l'année. Donc voilà, on remercie Jack et pour cette interview, pour les petits morceaux qu'on a passés de lui et de Govrach. Donc maintenant, on va vous présenter Goldaminch. Et Nanou va faire la petite interview de Goldaminch. En attendant d'avoir Vince au téléphone, on passe un petit morceau, Le tatoué de Goldaminch. On va vous raconter l'histoire d'un mec qui nous a marqué. L'histoire d'un homme pas ordinaire, mais comme il y en a peu sur Terre. C'est l'histoire légendaire, l'histoire du tatoué. Le tatoué, comme tu t'en doutes, l'avait une grosse bécane. Et puis un cuir clouté très beau, qui faisait comme des étoiles dans son dos. Quand il cramait le macadam, le long du boulevard Saint-Antoine, il klaxonnait tout ce qui bouge, grillait tous les feux rouges, en criant « Mort vache !» en talons sa pinouse. Le tatoué, c'était un apache, un vrai peau rouge. Le tatoué, c'était le fangeur du quartier. Le tatoué, c'était pas un gadjo. Le tatoué, c'était un fou furieux, un vrai bargeau. Le tatoué, c'était genre le gars dont toutes les filles raffolent. Le tatoué, c'était, le tatoué, c'était, le tatoué, c'était, ouais, c'était mon idole. Quand ils croisaient la bande à Titi, il leur faisait des bras d'honneur. Avant de s'enfuir dans un grand bruit, c'était son petit bonheur. Et ça partait en course-poursuite, on serait cru à Chicago. C'est lui qui allait toujours plus vite, c'était lui le plus chaud. Et si un jour, il l'avait rattrapé, putain, ce qui serait pris comme dérouillé. Le tatoué, c'était un fou furieux, un vrai cinglé. Le tatoué, c'était Stéphane, un joli quartier. Le tatoué, c'était pas un gadjo. Le tatoué, c'était un fou furieux, un vrai barjo. Le tatoué, c'était genre le gars dont toutes les filles raffolent. Le tatoué, c'était, le tatoué, c'était, le tatoué, c'était, ouais, c'était mon idole, y'a pas. Tatoué, tu sais, il avait un petit cœur tout bleu qui battait pour son mignon, sa perle, son amoureux. Parce que le tatoué, en fait, ouais, il était de la jaquette. Et c'est qu'avec le petit Léon qu'il jouait sous la couette. Cet amant, c'était pas un secret, un jour il me l'a présenté. Avant de s'enfuir, ouais, du quartier, plein pot sur sa Harley. Le tatoué, c'était le fange du quartier. Le tatoué, c'était pas un gadjo. Le tatoué, c'était un fou furieux, un vrai bargeau. Le tatoué, c'était j'en regarde dans toutes les filles raffolent. Le tatoué, c'était, le tatoué, c'était, le tatoué, c'était, ouais, c'était notre idole. Vous êtes toujours en direct de la radio Gémozo. Et là, on accueille maintenant Vince des Goldaminch, que Nanou va nous interviewer. Allô, allô, Vince, tu es là ? Ouais, salut. Ah. Coucou Vince, comment tu vas aujourd'hui ? Eh ben ça va, tranquillou. Eh ben très bien, t'es prêt pour une petite interview ? Ah bah tout à fait, je suis complètement prêt, dispo. Eh ben parfait. Donc le groupe a 8 ans maintenant, 3 albums à son actif. Moi, ouais, je bah, 8 ans, c'est que c'est, en fait, ça commence à dater, mais on s'approche plus des 10 ans, en fait, si tu veux. Ouais, bah c'est encore mieux, dis donc, ça dure. Ouais, ça dure. Ouais, c'est clair. Alors moi, je vous ai vu 2 fois minimum en concert, et à chaque fois, vous m'emmenez en balade entre valse, jazz, swing et rock musette. J'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a réunis. Allô, allô, j'espère que je ne vous ai pas perdu, j'ai pas entendu la fin de la question. Non, on est là. Alors, D'accord. Je répète mes 2 questions. Donc, en fait, je vous ai vu minimum 2 fois en concert et à chaque fois, vous m'avez emmené en balade. Et j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a réunis ? Ah, comment on s'est rencontrés ? Bah, Goldaminch, du coup, bah, comme ça fait bientôt 10 ans, comme je te le disais, c'est une histoire un peu longue et puis qui date un petit peu. À l'origine, Goldaminch, c'était un duo. Ok. Un duo cordillon, 10%. Vince, on t'entend très mal. Est-ce que tu es dans la forêt ou est-ce que tu es... Je suis chez moi, mais il faut que ce soit le bon moment, que je sois positionné au bon endroit. Vraiment, ici, ça devrait bien se passer. Ça va selon les moments. Ça serait ça. On va essayer de réussir à comprendre. Ça serait ça. Là, ça va ici. Là, c'est mieux. Ça va. Ça serait sympa que tu répètes ta phrase, que tu la recommences. Il n'y a pas de souci. Je disais, oui, forcément, un groupe qui a 10 ans, ça a du vécu et une histoire déjà bien. Une histoire collective déjà bien. Bien important, voilà, il se mueuse un petit peu. Donc, à l'origine, Galdamar, c'était un duo. Oui, un duo, ça on a entendu. Accordéon, guitare, chant, voilà. C'était mon pote Seb, qui était fondateur du groupe avec moi, à l'accordéon. Ah. Et entre-temps, il y a eu des changements. Ok, ok. Voilà, donc il y a une nouvelle accordéoniste qui est arrivée, Christelle Haro, il y a 5 ou 6 ans maintenant, dans bien 5 ans, vu qu'elle a fait les deux précédents. Alors, Vince, je suis désolée, on t'entend super mal. Non. Si tu pouvais un petit peu te repositionner, parce qu'on est en direct et que les auditeurs puissent comprendre. J'ai peur qu'on n'y arrive jamais vraiment, parce qu'à un moment ou l'autre, ça va sauter si ça passe pas bien maintenant. Et je vais vous donner un numéro de téléphone fixe, en fait. J'aurais dû faire ça. Ah oui, peut-être un téléphone fixe, ça va être plus facile. Voilà. Alors moi, ce que je propose, on repasse une de tes chansons et on te rappelle sur le fixe. Hein, c'est parfait. Ça sera mieux. Alors, je vais te reprendre au téléphone pour me donner le numéro de fixe pendant que je lance la chanson. À tout à l'heure, Vince. À tout de suite. Désolé. Héloïse, tes yeux aigrissent, ton regard brise tout ce qui passe à sa portée, tout ce qui se laisse emporter dans l'océan gris vert. Ils glissent sans s'y noyer, dans l'iris sous la paupière, où ils sont envoûtés. Tes yeux les grisent, ton regard brise, mais qui va les sauver de toi? De tes paroles, de tes baisers, si tu leur suces à l'oreille de belles promesses de volupté, au goût de miel empoisonné, sur qui vont se faire piquer tes lèvres cerises où ils s'enlisent. En direct de la radio Gémozo pour l'émission Les Oreilles du Monde. Donc, comme on a toujours un petit problème avec Vince au téléphone, on va repasser une autre musique, ma foi, des Gueules d'Amache. Nanou, tu nous la présentes ? Eh ben oui, je vous propose d'écouter La Java de l'au-delà dans le nouvel album des Gueules d'Amache. Eh ben c'est parti. Sereba même période chaque année, dans un cimetière abandonné. Une autre fête de mots anciens psalmodiés par un nécromancien. Sort tous les morts de leur trou, dessous la terre un peu partout. On aide les nouveaux défunts à s'extirper de leur sapin en dépoussière, rességuenille. Car cette nuit enfin c'est acquis pour la fratrie des Maccabées, des Calavrés, des Rétamés. Car tout ce beau monde est convié au grand bal des trépassés. C'est le tango des eaux, la java de l'au-delà, la gigue des Igmores et toutes ces danses qu'ils adorent. Vers les ruines du vieux château chemine toute une procession d'eau, toute une cohorte de fémurs, de rotules, de vertèbres et de tibias s'entrechoquent à vive allure. On se bouscule pour la nouba, on s'interpelle, on se salue. Depuis le temps qu'on ne s'était point vu, n'y a-t-il pas des têtes à la ronde, tout fraîchement sorties de la tombe. On s'apprête à faire la fête et on astique son squelette. Tout ce bon monde est arrivé au grand bal des trépassés. C'est le tango des eaux, la java de l'au-delà, la guigue des Igmores et toutes ces danses qu'ils adorent. Des Maccabées, des Cadavres et des Rétamés, tout ce beau monde est arrivé au grand bal des trépassés. Dans la salle de bal décrépite, dans un décor des plus gothiques, le vieux compte sur son 31, tandis que la fête bat son plein. Soudain le silence se fait, toutes les danses sont à l'arrêt, pas même un mot d'un mort, rien. Il y a un vivant dans le coin, cri, pleur et trémolo. La voilà la peur panique, c'est la cohue, le chaos et le début du grand cirque. Le comte tire sa dague d'apparat et poignarde à tour de bras. C'est le tango des eaux, la java de l'au-delà, la guigue des Igmores et toutes ces danses qu'ils adorent. C'est le tango des eaux, la java de l'au-delà, la guigue des Igmores et toutes ces danses qu'ils adorent. Allô, allô, Vince. Ouais, là je vous on est bon. J'entendais allô, allô de hyper loin. On est tout bon. Bon, on est bon, on est chaud, c'est parti. Oui, pas de problème. Eh ben écoute, je refais un petit récap quand même depuis le début. Hein. Donc, votre groupe, les Gueules d'Aminche, a maintenant 10 ans. Ouais. Parce que tu m'as dit. Bientôt. Trois albums à votre actif. Donc, comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a réunis? J'aimerais le savoir. Bah, ce qui nous a réunis, c'est la musique, le projet de base de faire de la chanson. Et ensuite, comme j'ai dit, il y a eu quelques changements de musiciens au fur et à mesure des années, hein, puisqu'avec un vécu pareil, c'est vrai que ça arrive souvent, les projets changent ou évoluent. Et du coup, c'était un projet à deux à l'origine. Maintenant, on est quatre musiciens, depuis déjà 5 ans, bientôt 6. Et simplement ce qui nous a réunis, c'est soit des amis de longue date pour ce qui est du batteur par exemple, soit des rencontres amicales et musicales au fur et à mesure des concerts, des tournées, du vécu du groupe, quoi, hein, pour faire simple. Voilà. Ok. Donc maintenant le quartet a bientôt 6 ans alors et il ne change pas. Non. Ça a un petit peu changé un moment, mais là, ça bouge plus, c'est la même équipe, les mêmes amas, je suis toujours présent. Oui, oui, à part Christelle qui est partie pendant 2 ans et qui est revenue, si je me trompe pas. Non, elle est jamais partie. En tout cas, pas encore. Alors peut-être que tu m'annonces quelque chose, mais Christelle est jamais partie depuis qu'elle est là. C'était d'ailleurs dans le groupe c'est une des plus anciennes dans le groupe aussi. Donc, Christelle n'est pas partie. Ah bah écoute, c'était une mauvaise information. Alors, je suis bien contente d'avoir rétabli la vérité aujourd'hui. Voilà, alors c'est arrivé peut-être sur un ou deux concerts qu'elle soit pas là, ça c'est arrivé. Donc dans ce cas-là, ça peut arriver qu'on a un remplaçant, mais Christelle, elle est fidèle au poste. Voilà, c'est notre Vosgienne à nous, on la garde. Ah mais oui, exact. Elle est de Arche. Bah oui. Mais oui, exact. Et oui. Mais oui, elle est de Arche, Christelle, ouais. Alors Vince, une autre question. Y a-t-il des artistes qui vous influencent? Oui, il y a toujours des artistes qui nous influencent. Après, ça dépend des personnes dans le groupe. On vient pas tous forcément du même milieu musical. Donc moi, je suis très chanson. Christelle, elle est pas mal influencée chanson aussi. Davy, ça va être le batteur. Après, c'est un batteur, donc c'est sûr que c'est pas pareil, mais ça va être plus rock, électro, atmo, un peu tout cet univers-là. Ben, ça va être plus pop rock, je dirais. Mais bon, c'est très large. Voilà, c'est toujours compliqué les étiquettes, mais voilà. Donc les influences de tout le monde, ça va être compliqué de citer des noms. Pour moi, il y a une influence évidente personnellement, c'est Mano Solo qui m'a beaucoup influencé. Après, soit des chansons, des chansonniers de la tradition, en mode Ferré, Boris Vian, Brel, Nougaro, un peu tout. En fait, j'étais baigné un peu dans tout ça, quoi. Donc voilà, beaucoup d'influences chansons de mon côté. Chansons à texte. Oui, souvent, en effet, très centré autour du texte. Ok, écoute, là je vais rebondir sur les textes, vu que c'est toi qui les composes à ce que j'ai lu, j'espère que je me trompe pas cette fois-ci. Non, c'est juste. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce qui inspire tes textes de manière générale? Est-ce que c'est tes rencontres quotidiennes? Est-ce que c'est des faits sociétaux? De toute façon il y a de tout, forcément, on est en train de préparer le 4e album d'ailleurs, c'est l'album des 10 ans qu'on prépare, et c'est vrai que quand on écrit, on s'inspire vraiment de tout, donc de la vie, de son expérience, de plein de choses. Après, moi j'ai toujours aimé cette tradition du chansonnier, c'est-à-dire de raconter des histoires, un peu de voir le chansonnier comme un aède chez les Grecs ou comme un griot dans les cultures africaines. Donc le passeur d'histoire en fait, le conteur quelque part, un peu à la Thomas Fersen, pour raconter des histoires. Okay. J'aime bien cette perspective-là pour faire que les chansons en fait soient aussi universelles en portant le message que tu veux qu'elles portent, mais qu'elles aient cette portée universelle et puis, vivante, évidemment. Okay. Exactement, Vince. Pour votre dernier album, Le syndrome des poissons rouges, c'est exactement ce que j'ai ressenti en fait. C'est accessible à tous. Et ça, c'est très, très, très, très bien. Et ça laisse à réfléchir. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, je vais rebondir sur votre dernier album, donc, qui date maintenant de 2015, Le syndrome du poisson rouge. Cet album comporte pas mal de chansons avec des thèmes avec des thèmes sociétaux comme l'homosexualité, la transsexualité, la servitude volontaire. Pour moi, comme je l'ai entendu, et la prostitution. Non, mais c'est bien, tu as bien écouté, parce que c'est vrai qu'il y a tout ça dedans, mais on ne s'en rend pas toujours compte, c'est bien. Et aussi la prostitution, et donc j'aimerais savoir si le titre de l'album est en lien avec ces thèmes sociaux. Le titre de l'album, Syndrome du poisson rouge, pas exactement en lien avec tous ces thèmes-là, mais ça fait partie de ça. De toute façon, le poisson rouge est l'image du bocal. C'est la société, quoi. C'est le poisson rouge dans la société, quoi. Donc, il peut y avoir cette impression de tout ce qui transparaît à travers tout ça, c'est-à-dire ce sentiment d'asservissement, ce sentiment d'enfermement, d'isolement, etc. Après, il y a les bons côtés aussi, parce que le poisson rouge, il est tout seul dans son bocal. Dans la société, heureusement, il y a plein de gens autour de nous, mais voilà. Pour répondre à ta question, ça rejoint, ça recoupe, mais c'est pas non plus à l'image de ces thèmes-là, quoi. D'accord, ça la reflète un peu, quoi. Voilà. C'est ce que j'avais compris, c'est chouette. Alors, dans cet album, le premier titre, la première chanson, c'est le syndrome du poisson rouge. Est-ce qu'il y aurait du vécu, Vince, là-dessous, sous cette chanson? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Oui. Tu peux nous expliquer en deux, trois mots? Bah, c'est juste que, alors, bon, du coup, en plus, c'est quelque chose qui est, en fait, complètement faux, mais c'est vrai qu'il y a, cette image, donc, du, le syndrome du poisson rouge, c'est le fait d'avoir une mémoire très, très courte, c'est-à-dire d'avoir une mémoire vive d'à peu près 7 secondes. 7 secondes, quoi, et après, c'est ça, 7 secondes, et après, on oublie. Alors, ça a été prouvé, hein, depuis qu'en fait, c'est une ineptie totale, scientifiquement parlant. Okay. Du coup, on se renseigne un peu quand on écrit sur des sujets, mais j'aimais bien cette image, et en effet, voilà, c'est parti d'une blague, parce que, depuis toujours, j'ai une mémoire qui défaille rapidement. En tout cas, voilà, beaucoup d'oubli, beaucoup de choses vécues, d'histoires liées à ça. Donc, à la base, ça vient d'une blague. Et puis après, je me suis dit comment en faire, en effet, une thématique plus large qui dise d'autres choses aussi, quoi. Ok, ok. Ouais, bah, en tout cas, elle sent un peu le vécu, hein, cette chanson, quand tu l'interprètes. Ouais. C'est pour ça que je me suis permise la question. Ah ben bah, oui. De toute façon, ça me semble une évidence. Donc, c'est assumé, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, je vais passer à une autre chanson de l'album qui m'intrigue. Je t'avoue, il y en a beaucoup qui m'intriguent, hein, mais celle-ci m'intrigue pas mal. C'est Héloïse. Peut-être que je me trompe, mais serait-ce l'histoire d'une femme payée au bouchon de champagne ? Spécialement. Pas spécialement, mais ça marche. Ouais. Et tu peux un peu plus m'en dire sur cette chanson qu'on a écoutée d'ailleurs en essayant de te joindre ? Héloïse, c'est une chanson que j'avais commencé à écrire depuis assez longtemps, d'ailleurs, par rapport aux autres chansons de l'album, et que j'avais jamais terminée. Voilà, pour moi, je voulais une image un peu l'image archétypale de la femme fatale, etc., en lui ramenant un côté un peu sorcière. Mmh. Voilà, et du coup, mettre d'autres choses dans la chanson au fur et à mesure liées aussi à l'écriture, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont liées à l'écriture. Ça parle aussi d'écriture, en fait, et de la dépendance qu'on peut avoir à l'écriture comme on peut avoir à une femme, mais bon, ça c'est le sous-texte. Voilà, quelques mots. Ok, je vais l'écouter différemment alors à partir d'aujourd'hui. Et Vince, quels sont vos projets pour 2019 ? À ce que j'ai sous-entendu tout à l'heure, il y aurait un quatrième album en route ? Ouais, tout à fait. On est en pleine période de composition. De maquettage, tout ça. Donc là, c'est prévu. Toujours compliqué à dire quand on est dans le process, mais on espère le sortir, on projette de le sortir en septembre de cette année. Voilà, nouvel album pour les 10 ans du groupe. Très bien. Bon, c'est un album qui sera attendu, je pense. J'espère. En tout cas, on va tout faire pour qu'il soit à la hauteur, au rendez-vous, et puis avec plein de surprises, quoi. Et moi, par rapport à ça, j'avais une petite question sur la production. Est-ce que, enfin, vous êtes aussi, on avait Jack tout à l'heure en ligne avec nous juste avant toi, et du coup, on parlait de la production des albums, et du coup, et vous êtes aussi dans le label Patchwork Productions. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez fait des albums en autoproduction ou vu que maintenant vous êtes sous label, est-ce que vous allez ressortir cet album sous label et pourquoi ? Alors en fait, Patchwork Productions, c'est un label, mais en soi, c'est pas un label au sens de producteur. Si, c'est aussi un producteur, mais si tu veux, c'est de la coproduction. Nous, on est toujours un peu en mode autoproduction, c'est-à-dire qu'on autoproduit tous nos albums, mais qu'on travaille ensemble avec Patchwork pour réussir à les sortir et puis les distribuer, etc. Donc si tu veux, c'est un entre-deux assez particulier où on travaille ensemble, mais où en fait, il n'est pas Patchwork Production n'est pas producteur à part entière. C'est de la coproduction, voilà. Donc parce que tout ce qui est vraiment du studio, du son, de l'enregistrement, du matériau, hein, le graphisme, tout, etc. C'est nous qui faisons absolument tout. Mais après, le travail de Patchwork va être plus en tant qu'éditeur, parce que c'est aussi notre éditeur, en tant que diffuseur, distributeur, plein de choses comme ça qui sont mises en place, le travail sur l'attaché de presse, etc. Donc en fait, c'est de la coproduction avec Patchwork, voilà. D'accord. Et du coup, vous comptez rester chez Patchwork pour le travail depuis le premier album. En fait. Ok. Voilà. Et pour le prochain album, vous restez chez eux ? Toujours pareil. Toujours Patchwork. Toujours, on produit, on autoproduit l'album. Et on travaille ensemble sur la production, vraiment, tout ce qui environne le CD, quoi. Ok, c'est toujours intéressant de savoir un peu comment ça se passe à l'arrière du décor, sur la production, tout ça. Il y a plein de monde qui ne sait pas comment ça se passe réellement, et du coup, je pense que c'est bien de le faire savoir au grand jour. Puis chacun son expérience, c'est chouette. Oui, et puis voilà, et puis ce qui est du coup très bien aussi là-dedans, c'est que Patchwork, même s'il nous donne son avis sur l'artistique, sur tout ça, on fait vraiment absolument ce qu'on veut, quoi. par exemple, il va nous dire ouais, ça c'est bien, ou peut-être qu'il va nous suggérer des trucs, en tout cas nous dire ce qu'il en pense, mais il y a ce côté-là où tout ce qui est artistique, il nous donne carte blanche, il nous fait complètement confiance et on fait absolument ce qu'on veut. Ce qui va être différent d'un label qui va prendre plus en charge la production, qui va intervenir sur le processus d'enregistrement, de mixage, de mastering, etc. Et où là, tu vas avoir plus un partenariat aussi artistique, quoi, quelque part. Oui, oui, bah c'est par rapport à... C'est pareil que ce que Jack nous disait, quoi, chez Patchwork Production, et c'est pas une grosse maison de production, et du coup, ils n'ont pas forcément voilà, tout en fait, le... Ils gèrent pas tout. Un label indépendant, voilà, donc un label indépendant, les indés, en fait, tu bosses avec eux, mais c'est du, voilà, c'est du partenariat, mais t'es jamais soumis à ce label, quoi. Ok. Merci à toi. Merci pour les précisions. Avec plaisir. Vince, je te reprends pour une dernière question. Est-ce que tu aurais un coup de cœur musical 2018 à nous proposer maintenant ? Un coup de cœur musical 2018 ? Oui. Je réfléchis. Hein. Vas-y, réfléchis. Ah. En artiste émergent ? Oui, ou... En artiste... bah, oui, bah, je cherche plutôt ça, en effet, mais... j'ai du mal à trouver là comme ça. Ou si t'as pas. J'ai dû raccrocher, je m'en trouvais 10, mais. comme nous tous. Non, ou si tu n'as pas en tête un coup de cœur, quelque chose qui t'a touché. Oui, bah, de toute façon, j'ai envie de dire, il y a plein d'artistes qui me touchent depuis fort longtemps, mais du coup, je dirais, voilà, par rapport au dernier concert que j'avais pu voir, et j'ai vu plusieurs choses, j'ai vu Loïc L'Antoine, qui était juste toujours merveilleux, Eric Antoine, à aller voir. Loïc L'Antoine. Ouais, Loïc L'Antoine. Ouais, c'est un des anciens chanteurs de Mon Côté Punk, d'ailleurs, c'est lui qui oui. Mon Côté Punk, qui a une grosse voix comme ça, qui est un auteur extraordinaire. Ok. Voilà. Donc, une chanson. J'en parle parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours beaucoup, hein, même si bon, ça, il n'est pas dans la galère, il n'y a pas de souci, hein, il joue bien, il trouve des dates et tout, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. Donc voilà, ouais, Loïc L'Antoine, et puis parce que c'est une énorme influence pour moi sur l'écriture en tout cas. Ok, t'aurais un titre à nous proposer, Vince, pour qu'on passe une petite chanson de lui quand on se sera quitté ? Ouais, carrément. J'ai envie de dire, il y a plein de titres hyper intéressants, mais vous pouvez passer simplement Pierrot, parce que c'est une chanson qui parlera peut-être plus à tout le monde que d'autres choses qu'il a fait, et c'est merveilleux également. Ok, et je te remercie, je tendrai l'oreille à Loïc Antoine. C'est vrai que je connais Mon Côté Punk, mais je ne m'étais pas trop intéressée à Loïc Antoine. Et donc, une toute dernière question, est-ce que vous êtes content de venir à Rochesson le 23 février pour notre concert d'hiver et partager la scène avec Jack, votre pote, carrément, avec Picon, mon amour. Ah bah ouais, non, ça fait super plaisir parce que bah ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jack, qu'on n'a pas partagé un plateau, que bah en effet on se connaît très bien, qu'il a fait un duo sur le dernier album avec nous. Donc Jack Simard, évidemment, ça fait plaisir. De venir aussi du coup dans les Vosges, évidemment, on est très content. Et puis Picon, mon amour, bah j'ai été voir, j'ai été écouter, c'est vraiment classe. Je connaissais pas hein, du tout. Donc belle soirée en perspective. Ça va être génial. Ah ouais. Ça va être génial. Nous, vraiment, on a hâte. Bon, ben Vince, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé un peu de ton temps. Ben, c'est normal, il n'y a pas de souci. Quand ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On te fait tous des gros bisous. Gros bisous tout le monde. Et on te dit à bientôt. Allez, à très vite. Ciao. À bientôt. Ciao, bonne journée ciao. À toi. Salut. Donc, on écoute Loïc Antoine Pierrot. 3-4. Noir dans ma caboche, les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Avis devant ma vie et les paupières en parapluie. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Sans langage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. J'hurle dans un mauvais roman que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas, frère, ça va pas. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Et voilà pour la musique de Loïc Antoine. Nous sommes en direct de la radio Gémozo dans les oreilles du monde, présentée par les mondes de l'utopie. Donc nous avons Jojo au téléphone. Jojo, t'es là? Ah oui, attends. Si j'oublie d'allumer le bouton, ça marche vachement moins bien. Ah, ça marche mieux comme ça. Je me suis dit aussi que t'étais bien loin. Non, mais on va y arriver. Tu sais, aujourd'hui, c'est un peu freestyle. Alors, est-ce que tu vas bien? Eh ben ça va impeccable, on est dans les Cévennes, il y a du soleil, c'est impeccable, ça fait plaisir. Ouais, nous aussi, il y a du soleil. Dans les loges. Non, il pleut, mais bon. Ah oui, ouais. Il fait tout gris, il pleut, on voit rien par la fenêtre. Bon, c'est comme ça, non, c'est comme ça chez vous, non? Non, ça va, là. On a beaucoup de soleil, quand même. Alors, je vais commencer par une petite présentation du groupe, et puis après, on va passer à l'interview. Hein. Alors. Ok. Donc, Picon, mon amour, je lis ce qu'il y a sur Internet parce que c'était très joliment dit et que j'ai moyen fait mes devoirs. Alors, donc Picon, mon amour, a vu le jour il y a 5 ans dans les Hautes-Cévennes. Après plus de 400 concerts à le car actif, il propose aujourd'hui un show en duo, encore plus chaud, dans lequel se mélangent non seulement des reprises de chansons populaires et de musique du monde, mais aussi des compositions personnelles osées, rigolotes, tendancieuses et revendicatives. Lorraine au chant et à l'accordéon tient sa position d'un franc-parler moqueur pendant que Jojo à la multibasse et la batterie à pédale tente de lui voler la vedette par sa spontanéité burlesque. D'harmonie vocale en mélodie exotique, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques avec humour et ivresse au gré de leurs impros inspirés du public à chaque fois différent. Donc a priori, ça résume plutôt bien puisque moi je vous ai jamais vu en concert. Mais des gens qui vous ont vu nous ont dit « Oh là là, il faut s'attendre à tout à leur concert, c'est incroyable. » Oui, c'est un petit peu ça, oui. Faut s'attendre à tout, quoi. D'accord. Alors, elle est pas mal, cette bio. Qui c'est qui l'a écrit, du coup? Ah ben, non, écoute, je ne sais pas. Alors, du coup, moi, ma première question, avec un nom comme ça, vous êtes sponsorisé ou quoi? Eh ben non, même pas. Ils nous ont jamais appelés, nous on les a jamais appelés non plus, quoi. On s'est dit encore qu'ils allaient nous repiquer le nom derrière. Et... D'accord, parce que nous on s'est quand même demandé, on s'est dit bah ils utilisent l'image et tout, ils vont peut-être avoir des problèmes. Eh ben c'est ce qu'on s'est dit, enfin c'est ce que tout le monde nous a dit, mais finalement on n'a jamais eu de problème. Ok, peut-être que ça leur va finalement. Et peut-être, bah à mon avis, ça va certainement leur aller, hein. Étant donné qu'il y a beaucoup plus de ventes de picons en général aux soirées, du coup forcément ça peut que leur aller. Oui, c'est pas faux, oui. Alors, moi j'ai une petite question aussi, donc vous vous êtes rencontrés dans quel contexte avec Lorraine? On s'est rencontrés en festoche, du coup, un petit festival qui s'appelle le Festival d'Olt au Bémar, en Lozère. Mm-hmm. Et elle, elle était avec son groupe de potes à Buffet, du coup, avec son accordéon. Et moi, j'étais avec mon groupe de potes à Buffet aussi. Et on a rassemblé les deux groupes de potes et on a bringué ensemble pendant 3 jours. Et du coup, voilà, on est tombé amoureux avec la musique au même moment. D'accord. Donc l'idée d'un groupe est arrivée toute seule comme ça, de manière spontanée et naturelle, quoi. Bah après, on s'est mis à jouer du coup sur les marchés, notamment au Vence, du coup en Ardèche. Mmh. Où quand Lorraine allait jouer du coup toute seule, elle se faisait 20 balles. Quand j'allais jouer tout seul, je me faisais 20 balles aussi. Et dès qu'on y allait à deux, bah, on se faisait un joli billet, on arrive à faire nos courses du coup tranquillement avec. D'accord. Et on nous a proposé une date, et à la suite de ça, une deuxième, une troisième, une quatrième, et ça a été assez vite. C'est parti comme ça, oui, tout seul un peu. Et oui, pardon, vas-y, dis. Pardon. Non, et à un moment donné, du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas monter un groupe. Et oui. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, du coup, dans des concerts, notamment concerts de soutien à des lieux alternatifs, du coup, où Blinded Punk et Blinded Picon et de Mauvaise Bière. Et... D'accord, donc l'amour du Picon vous a tous réunis, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Et donc, c'est toi qui fabriques tes instruments, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu auras sur scène? Il y a la contrebassine, du coup, on a commencé avec la contrebassine, accordéon contrebassine, du coup, qui est une poubelle avec une corde et un manche, tout simplement. Ouais. Que moi, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années, du coup, avec le groupe Les VRP ou Les Nonnes Troupeaux. Et voilà, du coup, je me suis mis à faire de la contrebassine il y a longtemps, du coup, maintenant. Et entre temps, on voulait un autre son. Enfin, j'ai voulu fabriquer une contrebassine électrique. Alors du coup, c'était un réservoir de moto avec un manche de basse, avec une charnière. Le truc impossible à jouer, quoi, vraiment impossible. D'accord. Et Lorraine m'a dit, mets deux vis dedans à travers le manche. Et voilà, fais-toi une petite contrebasse électrique avec. Et c'est comme ça que c'est parti, du coup, pour pouvoir du coup jouer de la grosse caisse et du charlet en même temps. Et avoir un petit son, un son général un peu plus soutenu, un petit peu plus complet, du coup, que la contrebassine à l'accordéon. D'accord. Donc là, on aura droit à avoir la contrebassine électrique, alors. C'est ouais. Bien ça. Bah du coup, si tu veux, pour le coup, c'est pas une contrebassine, parce que ça se... En fait, ça, finalement, c'est plus une contrebasse électrique. D'accord. Bon, quand même, fabriquée avec un réservoir de moto et une béquille de mamie et un manche de basse râpé pour faire une basse à 3 cordes. D'accord. Parce que je me suis dit de passer de une corde à 4 cordes, ça va être compliqué, du coup, vaut mieux commencer par 3. Ouais. Ça évoluera peut-être dans les années à venir, qui sait. Ouais, qui sait. Moi, j'en ai déjà une autre avec un réservoir de Suzuki 200. On sort le gros moto. Ouais, mais là, c'est le gros bolide. Alors, le mec aime la moto. On peut pas sortir comme ça, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais un mot pour vous définir? Oh. Ouf. Un mot pour nous définir. Ouais, c'est compliqué, ça. Hein. Oh, la première chose qui me vient, c'est la connerie, quoi. Ok. bon, on va bien rigoler, alors, c'est ça. Ouais, ça devrait le faire. Ça le fait à chaque fois, il n'y a pas de raison. Oh, bah, oui. Après, ça dépend de l'humour des gens des Vosges, quoi. Peut-être qu'il y a un humour différent, c'est pas bon. On n'est encore jamais venu dans notre région. C'est une première. Ouais, et du coup, ça vous fait quel effet? Comment? Ça vous fait quel effet alors de venir dans les Vosges? On est perturbé, ça fait un mois ou deux qu'on dort plus, on est là, on se parle même plus, on erre dans les Cévennes comme ça, on est vraiment très perturbé de venir chez vous. Oui. Bon, normalement ça devrait quand même bien se passer, hein, les Vosgiens sont accueillants. Mais grave, non, vous avez bonne réputation quand même. Oui. Non, ça va être cool, on est content de venir. Ben non, on va être très content de vous accueillir également. On est content et les groupes qui vont vous accompagner sur scène sont très contents aussi de vous découvrir, donc oui. On est tous contents. On les a eus juste avant en interview, Jack Simard et Goldaminch, et ils ont hâte de vous découvrir aussi. Donc yes. On a tous hâte, on vous attend de pied ferme. Oui. Vous avez prévu les pneus neige? Oui, on les a. Oui, ah, oui. C'est bien. Grave. Ah, on se comprend grave. Entre montagnards. Oui, il faut. Et non, ça va être bien de rencontrer d'autres groupes, d'autres personnes. Et... Non, ça va être cool. Ouais. Visiter nos belles Vosges. Bon, par contre, on vient et on repart, hein, quand même, parce que on va pas rester non plus longtemps. Hein. Ça, c'est pas dit. C'est pas dit. Vous verrez bien. On va peut-être squatter une semaine ou deux. Si ça se trouve. Hein. On sait pas ce que la vie nous réserve. Alors donc comme il est déjà 20, on est un petit peu ric-rac. Est-ce que vous avez une chanson, un petit coup de cœur de 2018 à nous proposer qu'on écoutera tout à l'heure? Oh, la chanson coup de cœur 2018 d'un autre groupe. Oui. Chanson coup de cœur 2018. Chanson coup de cœur 2018. Mmh. Et ben là comme ça sur le tas, là comme ça non. Si tu veux, je te propose qu'on écoute La Chieuse et comme ça tu as le temps de réfléchir à ton petit coup de cœur 2018. Okay. Ça te... Allez, on fait comme ça, ça roule. Allez, on envoie La Chieuse. Je n'ai jamais qu'une sacrée brioche, lui il est gentil, attentionné à la cote. Moi je n'ai jamais que deux mains gauches, lui j'ai un regard et la bricole est top. Lui il a toujours ce qu'il faut dans les poches, moi je suis toujours là à gratter à mes potes. T'es une libedaï, et t'as pas une clope? Lui ses amis, bah il appelle en nombre, moi j'attends que ça sonne pendant mes plombes. Moi je n'ai jamais que toujours des besoins, lui et tout qui tombe, tout cuit dans ses mains. Je suis encore en retard et je débarque en trombe, lui il est ponctuel avec une vie sans encombre. Du coup je me réfugie, assise dans un coin. Lui il a toujours un vieil ami qui le rejoint. Qu'est-ce que ça dit vieux? Avant j'étais avec un poisse dans le genre, poète et paresseux. Aujourd'hui c'est un chanceux, dans le genre honnête et heureux. J'avais eu le choix entre les deux, j'aurais consulté les dieux. Mais l'un m'a largué, l'autre m'a repêché. Et on choisit pas son destin amoureux, hey. Son accordéon sait se rendre heureuse. Lui il a super groupe de rock avec des potes et un tas de groupies devant qui veulent couler. T'empêche que mon mec au plus il met la capote. Pour ma santé pas de cachet, juste goût de chiottes. Il s'occupe de son bazar, non c'est pas bizarre. Ils finiront par avaler la pile tôt ou tard. Et avant j'étais avec un poisse dans le genre poète et paresseux. Aujourd'hui c'est un chanceux dans le genre honnête et heureux. Si j'avais eu le choix entre les deux, j'aurais consulté les dieux. Mais l'un m'a largué, l'autre m'a repêché. On choisit pas son destin amoureux. La gueule, lui il est toujours confiant avec sa grande gueule. Stevie de Boudaille, oui, nous sommes pas des bandits, la bédard. Rares sont les mecs au ménage qui se débrouillent chez nous pour le rangement, c'est moi qu'on engueule. Stevie de Boudaille, du grand mec qui fait la cuisine, la vaisselle. Je vais avec mes copines, puis j'y laisse le bordel. Et avant j'étais avec un poisse dans le genre. Aujourd'hui c'est un chanceux dans le genre honnête et heureux. Si j'avais eu le choix entre les deux, j'aurais consulté les dieux. Mais l'un m'a largué, l'autre m'a repêché. On choisit pas son destin amoureux, hey. Alors Jojo, tu as eu le temps de réfléchir à ton petit coup de cœur? Oui, je pense à des copains du coup qui sont sur Marseille. Du coup, un album qui s'appelle Guinguette Sauvage, ça s'appelle Macadam Bazar. Et le premier morceau, du coup. Très bien, et on va écouter ça tout de suite après Comme je suis avec justement Zulu Uzbek Band, puisque tu me disais tout à l'heure que Zulu's Big Band faisait aussi partie du groupe que tu nous proposes, c'est ça hein? C'est ça. En fait, c'est les trois mêmes personnes. Dans Macadam Bazar, ils sont cinq. Dans Zulu's Big Band, ils sont trois. Et ils ont du coup une formation plus petite, plus basée sur la reprise aussi. Et voilà. Ok, très bien. Et ben, on va pouvoir écouter tout ça. Du coup, on va se quitter. On se dit au 23 février. Allez. Et puis, on a hâte de vous voir et puis de passer ce bon moment ensemble. Yes, de même. Allez, à bientôt. Bonne journée. Bye bye. Salut. Et donc, c'est parti pour Je suis comme je suis. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi? Si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi? Si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois. Je suis faite pour plaire, il n'y peut rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, j'ai aimé quelqu'un. Quelqu'un m'a aimé comme des enfants qui s'aiment. Simplement ça t'aimer, aimer. Pour me questionner, je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer. Et voilà pour le deuxième morceau de Piquons mon amour que vous pourrez découvrir le 23 février à Rochesson. Donc ensuite on passe au petit coup de cœur de Jojo. Donc c'est Macadam Bazar avec Infamie. C'est vrai que je pense souvent que je bascule machinalement. J'écrase la terre, j'embrasse de travers, je m'élève dans un sens contraire. C'est la passion démesurément qui m'allume le jour du serment. Buvons, trinquons, blasphémons par ailleurs. Comment atteindre autrement les voies du Seigneur? Infâme, je rate, je taxe, j'écluse la vie. Infamie, je paye, je me casse. Salut les amis. Infamie, je rate, je taxe, j'écluse la vie. Infamie, je paye, je me casse. Salut les amis. Hommage, hommage à tous ces gens qui n'ont nul besoin d'autant. D'autant de travail, de trois heures faciles. Tout un arsenal de boissons utiles. C'est pour passer le temps, la cigarette et tous ces amants. Fumée sublime, femme qui m'abîme. De trois débordements et mon verre crie famine. Infamie, je rate, je taxe, j'écluse la vie. Infamie, je paye, je me casse, salut les amis. Infamie, je rate, je taxe, j'écluse la vie. Infamie, je paye, je me casse, salut les amis. Mais je fatigue aujourd'hui au moral. Et dans mon cou, y'a plus trop de gasoil. Mais je partirai pas avant la soirée finale. Je suis un vrai combattant, roi du bistrot social. Ce soir, c'est la dernière bataille. Et moi demain, j'aurai ma médaille. Je prends tout, je bois tout pour visiter. la vie. En famille, je paye, je me casse, salut les amis. En famille, je rate, je taxe, j'écluse la vie. En famille, je paye, je me casse, salut les amis. Ça y est, c'est du n'importe quoi. Et moi je tombe pour la toute dernière fois. Mais j'ai pas la cuite mesquine, je rends hommage aux soldats, ceux de Russie et d'Indochine, qui sont tombés comme moi. C'était Macadam Bazar, le coup de cœur de Piquons mon amour de Jojo. Donc voilà, on va finir cette émission aujourd'hui, Les Oreilles du Monde. Je ne sais pas combien c'est notre émission. On en a fait plusieurs. En tout cas, on rattaque pour une nouvelle année en 2019. Donc j'ai pas vraiment le temps de vous parler de la programmation 2019 de l'association Les Mondes de l'Utopie. En tout cas, on est hyper content à chaque fois de partager un moment avec vous. Aujourd'hui, on a partagé un moment avec les trois artistes qui se produiront le 23 février à la soirée concert d'hiver. Donc Gueule d'Aminche, Piquons mon amour, Jack Simard. Vous pouvez réécouter le podcast en direct sur la radio. Enfin, qui est accessible sur le site de la radio de Radio Gémozo, ou alors sur notre page Facebook quand il sortira, on le partagera. Merci à tous aux trois artistes pour les interviews. Merci à tout le monde de nous écouter et passez une belle journée grise dans les Vosges. À bientôt, au revoir.